à la cinquième place. Baba Gado, Born for True. Yo. Yo, Nami, Mutori Diddy, Mongo, Shikanere Kirota, Majambo, Mutane Mutima, Utoyeshe, Mutagiro Kuirata, Jenakuman Yerimye, Giza, Mura Mungeza, Sino Kuites, Jerimyeza, and the Fusanganja, Tetuhaye, Bomayaga Kita, Tachanguhaye, Guaye, Major of Yahaye, Murija, Jitigiro Natai. Unyongeri misi yo kubaho ishimwe ni gwawe uhoraho yeah ubugi à la 4e place My Redeemer chanté par The Sons of the Morning Star. À la 3e place, Simbona, Prince Moshindi, featuring Vestin et Zoé. Giga Beat, I told ya, Simbona, Bandi Simbona, Simbona, Bandi Simbona, bring the beat there. I give you my testimony. Mere awen arakamati te. Babiri ngawen nabo. Ewe su anje uramagi. Bandi Simbona. Yeba. Simbona. Bandi Simbona. I told you. Wherein you fatigue and in a sadze, Erega sino kubesha, again a gush chani with a sadisha. Wherein why you gangin umutima, sing you one even if you shamu zima, big and a sadze, chang a sing you one up. Get ura mag, panis, bona, yeba, A la 2e place, Mutima wanje, Fortran Big. Mutima wanje himbazu horaho Niwibagiri jizabji Shia koze Kemwe mahanga na mukoyo seni muze Tumushime Tumuhimbaze Tumushime Tumuhimbaze À la première place, qui est aussi la chanson de la semaine. You're in the mix with DJ Prince. Désormais, vous pouvez nous aider à faire un classement des 5 chansons les plus aimées du moment. Allez sur notre page Facebook et choisissez la chanson que vous préférez. Vous pouvez également nous envoyer un texto sur 79-402-336. 79-402-336. Hitamo, best friend of God. Itamo Yesu Kristu abugami Yesu niwe vyizigiro vyo kubaho Itamo Yesu Kristu abugami Yesu niwe vyizigiro vyo kubaho